Chapitre 6. Souffle d'une lame dans la nuit, danger qui rôde, comme une onde de plaisir. Elundril Shariakin, chevaucheuse de brume. Alors que le soir approchait, lugubre, Edwin les fit tout à coup obliquer vers l'est. Son visage s'était éclairé. « Je n'étais pas certain de retrouver l'endroit, » expliqua-t-il. « Mais nous avons de la chance. Nous dormirons en sécurité cette nuit. » Ils n'eurent pas le temps de s'interroger sur le sens de cette déclaration. Alors que le soleil disparaissait derrière un pic rocheux, ils découvrirent une bâtisse abandonnée, construite avec d'énormes blocs de pierre montés à sec. Le toit était constitué d'impressionnantes dalles de schiste noir, et les fenêtres n'étaient que de simples meurtrières. Seule la porte était faite d'épais madriers décolorés par les intempéries et renforcés par des ferrures énormes. Voilà, à ma connaissance, le seul endroit où des pionniers ont essayé de s'installer en Astariul, indiqua Edwin. Ils ont renoncé, ou alors ils sont morts. C'est de l'histoire ancienne, mais leur maison a résisté. Elle nous offre un havre opportun. Les voyageurs évitent de dormir à la belle étoile sur ces plateaux, évitent même de s'y engager s'ils sont prudents. Et les chevaux ? S'enquit Maniel. Nous les mettrons à l'intérieur avec nous. Je doute que les propriétaires viennent se plaindre. Alors qu'un feu s'élevait dans la cheminée, réchauffant peu à peu l'air glacial, ils prirent leur repas en mitouflés dans leur poncho, assis sur leur sac. Edwin avait insisté pour qu'ils déchargent la totalité du chariot. Ces murs sont solides, avait-il commenté. Il est toutefois inutile d'attirer l'attention des créatures nocturnes qui vivent en Astariul. La porte n'avait pas de serrure, mais une barre métallique à l'intérieur en condamnait l'ouverture. Le maître d'armes l'avait mise en place avec une moue satisfaite. La bâtisse ne comprenait qu'une seule et vaste pièce, et comme il n'y avait plus trace d'un quelconque mobilier, ils s'allongèrent aussi près qu'ils l'osèrent des flammes, tandis que non loin d'eux, les chevaux se tenaient serrés les uns contre les autres pour partager leur chaleur. Bien plus tard, un hurlement réveilla Camille en sursaut. Il lui fallut quelques secondes pour retrouver ses esprits. Le hurlement retentit à nouveau, lancinant, inhumain, allant crescendo jusqu'à atteindre un aigu insupportable avant de s'éteindre dans un gargouillis. Près d'elle, ses compagnons se redressèrent. Bjorn saisit sa hache. Il n'y a pas de danger. La voix était celle d'Edwin. Il se tenait debout dans l'obscurité, près d'une meurtrière, scrutant la nuit. « C'est un brûleur, » continua-t-il. « Il se trouve à des kilomètres. Vous pouvez vous rendormir. » Ils repartirent alors que le jour pointait à peine. Edwin, tendu comme un arc, chevauchait, la main sur la poignée de son sabre. Son inquiétude avait gagné le reste du groupe et les heures s'écoulèrent dans un silence presque total. Le chariot avait imposé de multiples détours qui leur avaient fait perdre beaucoup de temps. En fin d'après-midi, Edwin annonça qu'à son grand regret, il passerait encore deux nuits en Astariul. Salim considéra le paysage morne et sauvage qui les entourait. Des collines, des affleurements de pierrailles, des herbes hautes couchées par le vent, quelques maigres buissons de genêt aux fleurs fanées et de rares arbres rabougris à l'aspect torturé. C'est pas joli joli, commenta-t-il. Mais à part mourir d'ennui ou peut-être de froid, je vois pas ce que nous risquons. Nous planterons nos tentes contre ces rochers, déclara Edwin. Il nous faudra entretenir le feu toute la nuit, et les arbres ne sont pas légion ici. Je veux un tas de branches, de racines. Rapportez tout ce qui peut brûler. Mais auparavant, vous allez m'écouter attentivement. Les plateaux d'Astariul sont inhabités, et ce n'est pas sans raison. Les fauves qui y vivent rendent difficile l'implantation des humains. Je n'ai toutefois pas vu de traces de prédateurs depuis plusieurs heures, et ce signe doit nous alarmer. Le brûleur que nous avons entendu la nuit dernière rôde peut-être dans les environs. Ou alors, le pressa Bjorn, quelque chose de plus redoutable. Il se peut que cette nuit nous soyons attaqués par une goule. La bestiole encore plus terrible qu'un ogre ? Ne put s'empêcher de demander Salim. « Exact, » acquiesça gravement Edwin. C'est une créature nocturne de la taille d'un homme qui se déplace sur deux pattes et, à ma connaissance, n'utilise pas d'armes. Mais alors, tais-toi 5 minutes, se fâcha Edwin, si tu ne veux pas que je t'assomme. Les goules sont très rares et chassent toujours seules. Elles hantent Astarhul depuis des siècles. Par malheur, une goule est indestructible, ou presque. Elle ne craint rien. L'acier la traverse comme si elle était immatérielle, et l'art des dessinateurs est sans effet sur elle. Son étreinte dégage un froid mortel, et ses morsures du venin. En cas d'attaque, nous ne pourrons compter que sur le feu. Seules les flammes la font fuir. Des questions ? Camille frissonna, et Bjorn hasarda une objection. Les raïs auraient peut-être été préférables. Trop tard, une autre remarque ? Le maître d'armes avait employé un ton volontairement agressif pour couper court à d'inutiles protestations. Il ne tarda d'ailleurs pas à conclure. « Au travail !» Chacun se hâta de ramasser du combustible, et quand la nuit fut là, un réconfortant tas de bois s'élevait au centre du camp. Edwin attendit le dernier moment pour dessiner sa flamme. Lorsqu'il se décida, Camille fut tentée de le rejoindre dans les spires, mais elle se contint. Après leur départ d'Aljet, Maître Duhaume lui avait formellement interdit d'utiliser son don. Elle se fiait trop à son jugement pour ne pas lui obéir. Elana prit le premier tour de garde, et Camille, seule dans sa tente, se surprit à guetter les bruits extérieurs. Elle dut pourtant s'endormir, puisque la jeune marchombre la réveilla en se glissant à ses côtés. « Dors, sœurette !» murmura-t-elle. « Je suis là !» À l'heure où les étoiles ne brillent plus, mais où le ciel préfère encore le gris au bleu, Bjorn marchait à grands pas en se frottant le torse et en maudissant le froid qui transperçait ses vêtements. Il prit soudain conscience que les flammes étaient basses. Trompé par la lueur du jour qui pointait, il n'avait pas remarqué que le feu était prêt de s'éteindre. En poussant un juron, il saisit une poignée de branchettes qu'il s'apprêtait à jeter sur les braises quand un feulement sauvage le fit se retourner. La goule était sur lui. De prime abord, il crut que c'était une vieille femme vêtue de haillons, aux cheveux sales et hirsutes. Puis il remarqua les crocs, le regard jaune, les longues griffes qui prolongeaient les doigts décharnés. Il bondit en arrière en lâchant son fardeau, et sa main se referma sur le manche de sa hache. La goule le suivit d'une démarche fluide. Bjorn leva son arme, et avec un grognement sourd, en projeta le fer de toutes ses forces. Se serait-il souvenu des paroles d'Edwin qui l'aurait quand même frappé? Mais il ne se les rappelait pas. Et l'effet de son coup le prit totalement au dépourvu. Le tranchant de la hache de guerre passa au travers de la goule, comme si elle n'avait été qu'une illusion. Bjorn, qui s'était préparé à l'impact, fut emporté par son élan, pivota et se retrouva dos au monstre. La goule le ceintura de ses bras maigres et le chevalier poussa un hurlement. Un froid insupportable se dégageait de cette étreinte et se répandait dans son corps comme un poison mortel. La créature était dotée d'une force sans commune mesure avec son apparence. Bjorn défaillait lorsqu'il vit Edwin se précipiter vers lui. Le maître d'armes n'avait pas tiré son sabre. Il jeta tout son poids entre la goule et sa proie. Le chevalier sentit le froid refluer et il s'effondra. Edwin avait roulé sur le côté pour éviter un assaut du monstre. « Le feu !» hurla-t-il. « Le feu !» À son tour, Maniel entra dans le combat. Lui non plus n'avait pas saisi son arme. Il porta un coup de poing à la goule qu'il évita sans peine. Elle attrapa le colosse au niveau des hanches et, sans montrer le moindre effort, le souleva au-dessus de sa tête. Elle le fit tournoyer une seconde et le lâcha. Maniel s'écrasa 10 mètres plus loin, inconscient. Elana et Salim étaient sortis de leur tente et essayaient désespérément de raviver le feu, tandis qu'Edwin tentait de distraire l'attention du monstre. Mais la goule était beaucoup trop rapide. Un premier coup au creux de l'estomac plia le maître d'armes en deux. Un autre le projeta en arrière. Camille, qui assistait à la scène, les yeux écarquillés par la terreur, vit la créature se tourner dans sa direction. En 2 enjambées, elle fut sur elle. Maître Duhaume voulut s'interposer. Un simple revers l'expédia au sol. Les bras de la goule se refermèrent sur Camille qui poussa un cri de détresse. Un froid terrible la saisissait, figeant ses membres et menaçant de faire exploser son cœur. Elana bondit à son secours. La lame qui avait été dessinée éternelle brilla dans la lumière de l'aube, mais traversa le corps du monstre sans lui causer le moindre dommage. Du plat de la main, la goule frappa la marchombre qui s'effondra. Camille crut apercevoir Chiamvid briser fiévreusement ses flèches, mais ce devait être une hallucination. Salim se précipita vers elle en hurlant son prénom. Son corps se transformait en glace, sa peau se plissait, ses yeux se fermaient. Pourtant, une petite boule de vie continuait à irradier de la chaleur à la hauteur de son cœur. Camille comprit dans le brouillard qui l'envahissait que le chuchoteur se battait pour elle. Puis, il y eut le cri de Chiemvit. « Ne plus bouger, Salim !» Et ses flèches décochaient une telle allure que ses gestes étaient flous. Chacune des longues tiges de bois, privées de leurs pointes d'acier, se ficha dans le corps de la goule avec un bruit sourd. La créature se tendit comme pour refuser l'inévitable. Son étreinte se relâcha. Elle tituba un instant, image d'une vieille femme au corps hérissé de flèches, puis s'écroula et ne bougea plus. Camille avait si froid qu'elle aurait hurlé si elle en avait encore été capable. Ses muscles tétanisés la maintenaient debout, tandis que son cœur martelait sa poitrine de grands coups douloureux. Elle ne sentit pas des bras la saisir, l'envelopper dans des couvertures, la frotter, l'amasser. Elle ne perçut pas les voix qui l'encourageaient, la suppliaient, non plus qu'elle vit Artis ouvrir des bras impuissants. Il faisait froid. Vraiment trop froid. Le chuchoteur, dans sa poche, émit un cri strident. Camille laissa échapper un dernier soupir.